Les chats, études historiques et esthétiques, par Champfleury. Chapitre 1er. Les chats chez les Grecs et les Romains. Il est étonnant qu'après le culte et l'adoration des Égyptiens pour les chats, cet animal soit tout à fait délaissé chez les Grecs et les Romains. Qu'en Grèce, le chat ne fut pas représenté par les sculpteurs voués aux grandes lignes, cela est presque admissible, quoique les artistes égyptiens aient su trouver à travers le pelage de l'animal de solennels profits. Mais les Romains qui se plaisaient à l'art domestique, à la représentation des objets qui frappaient leurs yeux, on s'explique difficilement qu'ils aient négligé la représentation des chats. Le chat subissait à Athènes et à Rome le contre-coup de son immense popularité en Égypte. À peine en est-il question dans les poètes. Cependant, Théocrite, dans le dialogue des Syracusains, faisant gourmander une esclave par sa maîtresse. « Euona de l'eau !» s'écrie Praxinoé. « Qu'elle est lente !»« Le chat veut se reposer mollement. Remue-toi donc, vite, de l'eau !» etc. Le chat veut se reposer mollement, c'est-à-dire tu te reposes comme le chat. Par cette comparaison du chat avec une esclave paresseuse, Théocrite donne l'idée de l'animal tel qu'il nous est parvenu. C'était le chat domestique, déjà assez commun dans les intérieurs, pour que le poète l'introduisît à l'état d'image dans son dialogue. Les petits poètes de la décadence méprisent tout à fait le chat, n'accusent que ses défauts et se répandent en imprécations sur sa voracité. Agathias, épigrammatiste du Bas-Empire, avocat ou scolasticus à Constantinople, qui vécut de 527 à 565 sous le règne de Justinien, a laissé deux épigrammes funéraires dans lesquelles le chat ne joue pas le beau rôle. Pauvre exilé des rocailles et des bruyères, ô ma perdrix, ta légère maison d'osier ne te possède plus. Au lever de la tiède aurore, tu ne secoues plus tes ailes par elles réchauffées. Un chat t'a tranché la tête. Je me suis emparé du reste de ton corps, et il n'a pu assouvir son odieuse voracité. Que la terre ne te soit pas légère, mais qu'elle recouvre pesamment tes restes, afin que ton ennemi ne puisse les déterrer. Ainsi rime Agathias, s'abandonnant à la douleur. Après avoir versé quelques pleurs, le poète songe à la vengeance, sujet de sa seconde épigramme. Le chat domestique qui a mangé ma perdrix se flatte de vivre encore sous mon toit. Non, cher perdrix, je ne te laisserai pas sans vengeance, et sur ta tombe je tuerai ton meurtrier, car ton ombre qui s'agite et se tourmente ne peut être calmée que lorsque j'aurai fait ce que fit Pyrrhus sur la tombe d'Achille. Ainsi, pour avoir croqué une perdrix, le malheureux chat sera immolé à ses mânes. Un disciple d'Agathias, Damocaris, que ses contemporains appellent la colonne sacrée de la grammaire, touché de la douleur de son maître, a cru devoir faire preuve de sympathie en accablant à son tour de ses imprécations le même chat. Rival des chiens homicides, chat détestable, tu es un des dogues d'Actéon. En mangeant la perdrix de ton maître Agathias, c'était ton maître lui-même que tu dévorais, et toi tu ne penses plus qu'aux perdrix. Et aussi les souris dansent en se délectant de la friande pâtée que tu dédaignes. » À regarder l'exagération des invectives de Damocaris, on se demande si le disciple ne s'est pas moqué du maître. Voilà bien du tapage pour une perdrix, et les invectives adressées au chat rival des chiens homicides, assimilées au dogue d'Actéon, semblent un peu énormes. Toutefois, quel que soit le motif qui ait fait rimer Damocaris, on voit par ces rares fragments du Bas-Empire que les chats étaient loin du culte que leur rendait l'Égypte. Chapitre 2e. Poésie, tradition populaire relative aux chats. Il est curieux de rapprocher de ces invectives quelques fragments de nos poésies populaires de campagne. Le chat, animal préféré par la nourrice, est le premier être animé qui frappe les oreilles de l'enfance. À des mélodies d'un rythme particulier, le chat est associé. C'est avec un petit drame naïf où le chat joue le rôle principal qu'on berce l'enfant. L'enfant s'endort avec un profil fantastique de chat fixé dans le cerveau. Ce qu'ayant observé, les poètes populaires n'ont pas manqué d'introduire l'animal dans leurs couplets naïfs, comme dans cette chanson sur les chats et les souris, recueillie en Bas-Poitou. Une société de souris étant allée au bal et à la comédie, le chat sauta sur les souris, il les croqua toute la nuit. Gentil coquiqui, coco des moustaches, mirlo joli, gentil coquiqui. Ces onomatopées du refrain encadrent le chat et les souris d'une façon si plaisante qu'il est impossible que l'enfant les oublie. Avec les poules et les loups, le chat fait partie de l'histoire naturelle enseignée par les nourrices à leurs poupons. L'animal appartient à la classe des objets remuants qui, comme les cloches, vibrent dans les tendres cerveaux. La présence de l'animal domestique dans les plus pauvres intérieurs, silhouette visible qui se profile à tout instant, la brièveté de son unique syllabe, facile à retenir, explique pourquoi l'animal joue un si grand rôle dans les impressions du jeune âge. On remplirait un volume des chansons de berceuses sur les chats. A, B, C, le chat est allé dans la neige, en retournant, il avait les souliers tout blancs. Les Allemands particulièrement s'intéressent à ces naïvetés. Cependant, dans quelques provinces de France, on trouverait des poésies semblables à celles qui sont citées par Jérôme Bugeaud dans son beau livre des chants et chansons populaires des provinces de l'Ouest. Le chat à Jeannette est une jolie bête. Quand il veut se faire beau, il se lèche le museau. Avec sa salive, il fait la lessive. Couplet enfantin, qui pourtant forme croquis et dessine le mouvement de l'animal comme avec un crayon. Chat et souris forment d'habitude une association que les poètes et les peintres se sont plu à représenter pour l'enseignement de l'enfance, qui, sans la raisonner, est tout de suite appelée au tableau de la lutte entre la force et la faiblesse. De mon extrême jeunesse, je me rappelle une vieille toile servant de devant de cheminée, qui représentait une douzaine de chats en face d'un pupitre de musique. Chats de toute nature et de toute couleur, gros, allongés, noirs, blancs, chats angora et chats de gouttière. Sur le pupitre était ouvert, dans son développement oblong, le vénérable solfège d'Italie. Les notes étaient remplacées par de petits rats qui imitaient à s'y méprendre les noires et les blanches. Leur queue indiquait également les croches et les doubles croches. En avant de ses confrères, un beau chat battait la mesure avec la dignité d'un chef d'orchestre. Mais sa patte posée sur le cahier de musique semblait prendre plaisir à égratigner les pauvres rats emprisonnés dans les portées. Et malgré les agréments de la clé de sol, je crois que les rats auraient préféré la clé des champs. Bruegel et les peintres flamands, gens simples et naïfs, se plaisaient à répéter ce motif qui doit exister dans plus d'un pays. Les enfants avaient le cerveau meublé de thèmes ayant rapport au chat. Le peuple conserva la même religion pour l'animal. D'où le fond sur lequel ont brodé Perrault, les conteurs norvégiens, allemands et anglais, le Chaboté, Maître Pierre et son chat, le choix de Whittington, etc. Tous ces contes ont leur racine dans les traditions populaires qui fourniraient nombre de pages si je ne m'en tenais à quelques lignes des mémoires de Chateaubriand. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi seule avec un chat noir. Ainsi voilà un conte murmuré à l'oreille de l'enfant par une servante. L'enfant grandira, traversa les orages de la vie, sera appelé aux plus hautes fonctions politiques, deviendra illustre entre tous, et un jour, quand le grand homme évoquera ses jours de triomphe, ses luttes, ses amours, sa fortune politique, sur un fond lumineux se décalquera le chat noir, accompagné d'une jambe de bois, tous deux grimpant l'escalier de la tourelle. Un souvenir d'enfance est plus doux au cœur des esprits d'élite que les titres et honneurs. Sous les couches de science entassées dans le cerveau des grands travailleurs, se détache une chanson de nourrice. La mémoire est pleine des beautés des antiques et des modernes, et pourtant, une tradition populaire se fait jour à travers ces accumulations de lectures. Tel est le caractère propre aux intelligences de rester enfant, par quelques coins, et de ressentir les impressions de l'enfance. C'est ce qui explique pourquoi tant d'hommes considérables ont conservé une si vive affection pour les chats. Chapitre 3e. Les peintres de chats. Animal grave, d'une pureté de ligne monumentale cachée sous un pelage ondoyant, le chat joue un grand rôle dans les musées égyptiens. Soit qu'accroupi il se profile à la manière des sphinx, soit que son masque soit ajusté au corps d'un dieu, soit qu'il soit soudé à des instruments de musique affectant eux-mêmes des courbes hiératiques, soit qu'entouré de bandelettes, il évoque de vagues et étranges contours. La représentation du chat par les Égyptiens a un caractère tantôt sacré, tantôt domestique, et puisque la clé, depuis longtemps forgée par d'habiles égyptologues, n'ouvre pas encore toutes les arcanes de la science mystérieuse des pharaons, j'insisterai particulièrement sur ce double caractère. Sur les représentations hiératiques des chats, on trouve de nombreux renseignements dans les ouvrages des érudits. Ils ne me paraissent pas s'être suffisamment préoccupés du caractère intime de quelques peintures de l'Égypte ancienne, où le chat est représenté tantôt étendu sous le fauteuil de la maîtresse de la maison, tantôt allaitant ses petits. Malheureusement, nous n'avons pas au Louvre la première de ces représentations, et les groupes de bronze de niches de chats suçant les tétines de leur mère, qui se voient au musée égyptien, sont un peu frustes pour le public. Dans ces bronzes apparaît le sens domestique et intime plutôt que hiératique, car en même temps que manquent aux chats colliers et pierres précieuses, je ne retrouve pas dans leur conformation les lignes particulièrement rigides qui, à mon sens, témoignent de leur caractère sacré. Quoi qu'il en soit, les Égyptiens ont représenté les chats, sacrés ou profanes, aussi dignement que savamment. Eux seuls ont entrevu le côté sculptural de l'animal, et sans quitter le terrain de la réalité, des flancs des chats, ils ont dégagé des lignes d'un majestueux contour. Après les Égyptiens, il faut citer les Japonais, qui prouvent par les albums récemment introduits en Europe qu'ils sont dessinateurs de chats par excellence, comme ils sont les peintres de la femme et du fantastique. C'est une remarque à faire que ceux épris des délicatesses des chats le sont également des délicatesses de la femme, et qu'à cette double compréhension se joint d'habitude l'amour du fantasque et de l'étrange. Aussi, quelle souplesse ne faudrait-il pas à la plume pour essayer de rendre les nuances qui caractérisent femme, fantaisie, chat? Comment tracer visiblement le mystérieux trait d'union qui relie une telle trilogie? Pourquoi le charme est-il associé au fantastique, réalisé par Hoffmann et Goya? Je ne voudrais pas appuyer trop fortement sur la corde esthétique, craignant de passer pour un être pédantesque. Seulement qu'il me soit permis de constater que le conteur allemand et le peintre espagnol, auxquels on peut joindre Cazotte et le diable amoureux, sont de ceux qui, épris de l'idéal féminin, ont naturellement, sans chercher de repoussoir, à côté de leur charmant portrait de femme, fait jaillir spontanément le fantastique d'un mélange d'exquise tendresse et de tendre langueur traversé par le profil de chat bizarre. Sensitifs par excellence sont les êtres qui réunissent le beau et la fantaisie, et tout homme, doué de telles qualités, ses nerfs ne fussent-ils pas en parfaite pondération, est déjà un réel et curieux artiste. Les Japonais possèdent au plus haut degré ces facultés exceptionnelles. Ils enveloppent leurs figures de femmes de romanesques élégances. Mille caprices éclatent dans leur composition, et ils se préoccupent extraordinairement du chat, l'épi dans chacun de ses mouvements avec plus d'idéalité que le peintre Minde, surnommé le Raphaël des chats. Ce Minde, qui mourut à Berne en 1815, a laissé de charmantes aquarelles de chats célèbres sous la Restauration. De nombreuses études à la plume témoignent de constantes observations des mouvements de ces animaux. Toutefois, ces croquis un peu suisses n'ont pas le charme des représentations de chats japonais, quoiqu'une coutume particulière au pays des Tycoons ait fait couper la queue de ces animaux à rats. Il est peu de peintres qui aient su rendre les délicates allures et le masque si particulier des chats. Si on accepte l'allemand Bischer, dont le chat merveilleux est devenu typique, les artistes qui ont introduit les chats dans leurs scènes domestiques, les mettant en scène dans des portraits de famille ou au bras de jeunes enfants, semblent avoir pris leur modèle dans des magasins de jouets ou des boutiques de naturalistes. En tête des artistes contemporains qui se sont occupés des chats, marche Eugène Delacroix, nature fébrile et nerveuse. Les cahiers de croquis vendus après sa mort ont montré les persévérantes études qu'il avait faites de cet animal. Pourtant, il n'y a point de chat dans ses tableaux, et en voici la raison. Ces chats, il en faisait des tigres. Leurs robes zébrées, leurs allures, leurs allongements, lui donnaient ces mouvements particuliers aux tigres qu'il s'est plu à représenter fréquemment. Il est fâcheux, toutefois, que ce maître romantique n'ait pas laissé quelques tableaux de chats. Il les connaissait à fond, et dans leur masque, il eût trouvé de quoi exercer sa rêveuse imagination. Il faut d'autant moins oublier Granville, parmi les peintres de chats, que l'ingénieux dessinateur s'est particulièrement préoccupé de la physionomie de l'animal. On peut même dire que seul il abordait courageusement ce profil compliqué où se reflètent en mille détails d'une extrême délicatesse toutes les passions de la vie féline. En 13 petits croquis, le caricaturiste, préoccupé du rapport physionomique des animaux et des hommes, a choisi pour motif de ses dessins de chats le sommeil, le réveil, réflexion philosophique, étonnement et admiration, contemplation, grande satisfaction et idées riantes, ennui et mauvaise humeur, plainte et souffrance, préoccupation causée par un bruit particulier, convoitise hypocrite, convoitise naïve, calme digestif, tendresse et douceur, attention, désir, surprise, satisfaction et somnolence, colère mêlée de crainte, crainte simple, gaieté avec épanouissement, fureur et effroi, la mort. Toute nuance d'une excessive complication que n'avaient cherché à rendre ni les Égyptiens, ni les Japonais, ni même le Raphaël des chats, plus préoccupé du corps que des lignes de la tête. Malheureusement, Granville eut la conception plutôt que le rendu. Son idée était quelquefois excellente, son exécution, là plus qu'ailleurs encore, fut insuffisante quand tant de malice spirituelle eût dû découler du crayon. Quel qu'il soit, ces croquis méritent d'être étudiés par les observateurs des chats. Ils sont une indication, un souvenir, un rappel de jeux de physionomie appartenant particulièrement à l'animal, et de tels dessins réclament une mention dans l'iconographie des félins. Une autre nature véritablement féline, le comédien Rouvière, également tourmenté de rendre ses sensations par le pinceau, me fait songer à l'arlequin de la comédie italienne, Carlin, qui vivait entouré de chats dont il se proclamait l'élève. On reconnaissait dans ses gestes, dit un contemporain, les traces de leur école. Un tableau de Rouvière que je possède fait comprendre certains mouvements du comédien remarquable par des gestes étranges, brusques et caressants. Rouvière a peint une chatte pleine d'indulgence pour son enfant qui médite quelque malice. L'inquiète curiosité du petit chat roux débutant dans la vie est tapie dans les yeux spirituels de l'animal qu'observe une mère qui jadis a connu de semblables caprices. Rien de plus difficile à rendre qu'un masque de chat. Les lignes sont d'une telle finesse, les yeux si particulièrement bizarres, les mouvements obéissent à de si subites impulsions qu'il faut être félin soi-même pour essayer de rendre un pareil sujet. On peut expliquer ainsi certaines facultés exceptionnelles de l'acteur Rouvière, qui pourraient servir d'enseignement, ces facultés étant puisées aux sources vives de la nature, car on peut le dire sans paradoxe, la contemplation d'un chat vaut bien pour un comédien les cours du conservatoire. Champfleury.